Histoire vivante, c'est la suite de vos programmes à l'écoute de la première. Très bel après-midi, à demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La dictature du 4 août est une solution qui, d'une certaine manière, rappelle toute une série de solutions similaires. C'est-à-dire l'instauration de régimes dictatoriaux et la montée de mouvements fascistes. Pas de surprise à Athènes, donc. Le gouvernement Novas a vécu avant même d'avoir été investi. Monsieur Novas a été mis en minorité par 167 voix contre 131. Cette semaine, la Grèce. Les colonels qui ont jeté le masque exploitent à fond l'avantage de la surprise. Ils annoncent à la population qu'après le coucher du soleil, on tirera à vue sur les passants. Histoire et politique. Quand on parle de démocratie grecque antique, on parle avant tout de la cité d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, par opposition à d'autres types de communautés politiques comme Sparte, qui était basé sur un autre système, beaucoup plus guerrier d'ailleurs, que celui d'Athènes. Donc, une plaque tournante de la démocratie. Histoire vivante, cette semaine, la Grèce. Aujourd'hui, entretien avec Karine Doganis, docteur en sciences politiques et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Karine Doganis, je suis docteur de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant sur les questions de gouvernance institutionnelle, économique, financière, qui constitue le fil directeur de mes activités. Mais on a parlé un peu avant l'ouverture de ce micro, Karine Doganis, c'est ce que vous m'avez laissé entrevoir, c'est la possibilité de partir d'un point d'étude et de le faire tel un ricochet, rebondir dans quantité de directions. Je pourrais utiliser une autre image, c'est celle de la boule de billard. Il suffit de la cogner et puis selon l'angle que l'on aura choisi, sous-entendu par un expert de la queue de billard, bien sûr, celle-ci pourra rebondir en plein de points inattendus pour le spectateur. Tout à fait, l'image est tout à fait pertinente et je me suis rendu compte que finalement je faisais de la prose sans le savoir, parce que la gouvernance, au final, c'est un terme très vaste. On peut parler de gouvernance démocratique lorsqu'il s'agit de mettre en place des systèmes politiques durables et soutenable. On parle aussi de gouvernance économique et financière, lorsqu'on parle par exemple de bonne gestion des ressources naturelles d'un pays, de gouvernance de l'entreprise également. Donc c'est vrai qu'au départ, je travaillais sur ces sujets de gouvernance à l'échelle locale, en collectivité territoriale, sur la démocratie locale, la démocratie de proximité. Par la suite, j'ai évolué toujours sur ces sujets de gouvernance, mais en cabinet d'audit et en entreprise. Et plus récemment, j'ai travaillé sur la gouvernance économique et financière dans des pays d'Afrique subsaharienne qui sont particulièrement riches en ressources naturelles et qui ont besoin de voir leur système de contrôle et d'audit renforcé. Quand vous utilisez le terme de gouvernance afin que je vous suive bien et que l'on vous suive bien, est-ce qu'on peut peut-être le cadrer sur deux plans ? Historique, tout d'abord, est-ce un mot relativement, sinon contemporain, en tout cas moderne ? Est-ce que le terme de gouvernance apparaît plus anciennement, au 19e, 18e ou encore avant ? Et qu'est-ce que, finalement, ce terme-là aujourd'hui, en tout cas, recouvre? Alors, le terme en tant que tel aujourd'hui est plutôt un anglicisme, governance, donc viendrait plutôt de l'anglais, où il est beaucoup plus banal que en français. Maintenant, ses racines sont des racines grecques, puisqu'il provient du mot kubernao, c'est-à-dire gouverner. C'est finalement l'art de gouverner au sens de la bonne gestion, soit d'une cité, et là on parle de gouvernance politique, soit de ressources naturelles, des questions financières, et c'est là qu'on parle de gouvernance économique et financière. Finalement, c'est l'art de bien gérer. Dans cet arbre familial, si je ne m'abuse, un certain cousin germain s'appellerait cybernétique. Absolument, absolument. Le terme cybernétique vient exactement à la même racine que gouverner, gouvernance. Kubernao, encore une fois, veut dire en grec ancien, gouverner. Je reviens vers votre nom, Doganis. De quelle origine est-il ? C'est d'origine grecque, je suis française d'origine grecque, mais le nom en lui-même apparemment aurait également des racines italiennes, puisque ça signifie douanier en italien. C'est pour vous dire que je me considère comme citoyenne du monde. Bon, vous avez quelque chose à déclarer ? Alors, on va parler d'un certain nombre de sujets, mais notamment au travers d'articles que vous nous avez fait parvenir. Il faut peut-être revenir notamment à l'ouvrage qui est paru au PUF, aux origines de la corruption, avec deux termes qui apparaissent en dessous, les sycophantes et la sycophantie. Alors, il faut peut-être effectivement éplucher et éclairer l'auditeur. Éplucher, c'est le cas de le dire, parce que la racine même de sycophante, c'est veut dire celui qui dénonce les exportateurs de figues, les exportations illégal de figues. Donc, il y a un lien avec l'idée d'éplucher ce fruit et donc d'identifier, de dénoncer ceux qui exportent, à l'époque, dans la cité d'Athènes, à l'époque classique, des figues, qui étaient un fruit précieux, une matière première tout à fait précieuse, et donc qui pouvait être volée et exportée illégalement. Et ceux qui étaient sycophantes, de syco qui veut dire la figue et fante, phaino qui veut dire montrer, démontrer, dévoiler, révéler, mettre en lumière, eh bien les sycophantes, c'est ceux qui dénonçaient les voleurs de figues. Et par extension, ce sont devenus des délateurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui se faisaient accusateurs publics pour le bien public, pour dénoncer tout type de contravention, transgression, dans un système où il n'existait pas de ministère public institutionnalisé. En France, aujourd'hui, nous avons un parquet, un ministère public, un procureur. À l'époque, le procureur, c'était tout citoyen qui pouvait se faire procureur pour dénoncer quelque chose que subissait son concitoyen. Donc, si un concitoyen était lésé, je devais, moi, me faire citoyen procureur pour défendre mon concitoyen pour le bien de la cité. Karine Doganis, serait-ce un anachronisme de rapprocher les sycophantes des actuels lanceurs d'alerte ou whistleblowers ? Ah, c'est absolument pas un anachronisme. D'ailleurs, dans mon ouvrage, j'explique comment les sycophantes sont les précurseurs des lanceurs d'alerte. La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en France date de 2016. Et en son article 6, il y a une définition très claire de ce qu'est le lanceur d'alerte. Donc, les sycophantes peuvent être considérés, tout à fait considérés, comme les précurseurs des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, mon ouvrage est paru en 2007. Cette loi sur les lanceurs d'alerte en France, en tout cas, est entré en vigueur en 2016-2017. Et il y a eu très récemment une étude du Conseil d'État, justement, sur le droit d'alerte. C'est pour vous montrer toute l'actualité du sujet. Alors, vous reliez la question de la sycophantie, autrement dit la pratique de ces sycophantes, à la question de la confiance. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous faire comprendre cette articulation-là ? Oui, cette articulation est fondamentale dans le sens où si l'accusation volontaire, le lanceur d'alerte finalement, agit pour l'intérêt général, mais en étant finalement victime de lobbying ou d'intérêts particuliers, alors la confiance se brise. Alors que dans l'idéal de Solon, qui avait défini cette loi sur les lanceurs d'alerte au 6e siècle... Vous resituerez Solon, je vous prie. Voilà. C'est un législateur au 6e siècle avant Jésus-Christ a institué la loi demandant à ce que tout citoyen qui voyait son concitoyen lésé en quelque point que ce soit devait dénoncer celui qui avait fait du mal à ce concitoyen. Donc finalement, Solon, on est donc au 6e siècle avant Jésus-Christ, a mis en place cette loi en faveur des lanceurs d'alerte, mais dans une logique de cohésion sociale et de confiance. Il fallait dénoncer le mal qui avait été fait à autrui pour maintenir la confiance. Aujourd'hui, on peut dire que si le lanceur d'alerte agit dans l'intérêt général, tout se passe bien. C'est l'idéal du lanceur d'alerte tel que on l'envisage aussi dans cette loi de 2016, dite loi Sapin 2, relative à la lutte contre la corruption et à la transparence. Mais si le lanceur d'alerte se fait l'écho d'intérêts particuliers, est au service de tel ou tel lobby et autres, là, la confiance est totalement brisée et du coup, c'est tout le contraire de l'idéal solonien qui résulte de l'action des sycophantes. Alors, une fois encore, on va utiliser le terme d'anachronisme parce que tenter de vouloir mettre côte à côte, en vis-à-vis, en parallèle, deux systèmes démocratiques comme les démocraties contemporaines et cette lointaine démocratie athénienne, il faut se garder de faire ces rapprochements quand bien même le terme est le même. Et vous dites notamment que si l'on veut comprendre les mécanismes athéniens qui conduisent à la démocratie athénienne, il faut accepter d'intégrer dedans des objets qui aujourd'hui ont quelque peu volatilisé. J'entends les mystères et le religieux. Vous pourriez peut-être nous donner un ou deux exemples qui nous permettent de comprendre la place qu'occupent précisément ces questions de mystère et de religieux. J'ai retenu dans votre article l'exemple d'une réponse d'un oracle pour remporter une victoire décisive contre les Perses, ou encore la profanation des Hermès. Mais je vous laisse la parole pour que vous nous racontiez un peu tout ça, Karine Deganis. Je vous remercie. Alors, le mystère et le religieux dans la cité d'Athènes à l'époque classique, donc là on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est un modèle pour la démocratie aujourd'hui, qui est considéré en tout cas comme un modèle pour nos démocraties, eh bien le mystère, le sacré et le religieux sont complètement intégrés aux politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que... Un religieux polythéiste, il faut bien le rappeler. Oui, tout à fait. Mais le tout est lié à la symbolique du pouvoir. En quelque sorte, si on veut faire une comparaison avec la situation actuelle, le religieux dans la cité d'Athènes à l'époque classique n'est pas une affaire privée ou personnelle, n'est pas une question de croyance, c'est plutôt ce que la Révolution française a appelé religion civique. En quelque sorte, l'équivalent aujourd'hui, ce serait par exemple le bicentenaire de la Révolution, lorsque on le fêtait. Je me souviens, j'étais en sixième à l'époque, on dansait la Carmagnole, on était tous déguisés en Marianne dans la cour du collège, pour marquer la symbolique de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Cet aspect-là est totalement intégré à la République aujourd'hui, de la même façon que dans la cité grecque, cette symbolique est totalement intégrée dans la cité. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de religieux au sens privé du terme, mais plutôt une symbolique démocratique qui maintient la cohésion de la cité dans son ensemble. Et ça, c'est très important. Quand on attaque aujourd'hui des symboles de la République, c'est particulièrement grave parce que c'est toute la République qui risque d'en pâtir au final. Ce n'est pas juste une affaire de croyance, c'est toute la symbolique républicaine qui est attaquée. De la même façon, dans la cité d'Athènes à l'époque classique, ces cérémonies, ces grandes festivités, ces grandes fêtes, c'était aller au théâtre, par exemple, c'était un acte républicain, finalement. C'était un acte citoyen. On ne pouvait pas rester chez soi, il fallait participer à ce type de communion politique, finalement, qui faisait en sorte qu'il y ait une cohésion d'ensemble. Il fallait participer. Vous sous-entendez par là que on n'avait pas le droit de ne pas. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une loi qui date à peu près du même moment que la loi sur les sycophantes, sur les lanceurs d'alerte de l'époque, qui dit que tout citoyen est obligé de prendre parti. S'il y a des dissensions, voire même une guerre civile, la neutralité n'existe pas. Vous ne pouvez pas être dans une posture de neutralité. Vous devez prendre parti. Elle est interdite? Oui. Vous pouvez être frappé de ce qu'on appelle atimi, c'est-à-dire que vous pouvez être frappé de déshonneur, perdre une partie de vos droits civiques si vous restez dans la neutralité et que vous refusez de prendre parti. C'est très fort, donc, cet idéal de participation civique et citoyenne, d'engagement finalement. arrêtons-nous un instant sur cette atimie. Elle est admissible du fait même de la petitesse d'Athènes et du fait que, quand on parle de république, on parle quand même d'un groupe démographique assez restreint. C'est tout à fait vrai. La cité d'Athènes comporte quelques milliers de citoyens au sens strict. On dit quoi, autour de 200 000, quelque chose? Beaucoup moins, absolument, beaucoup moins. Donc, quand on parle de démocratie grecque antique, on parle avant tout de la cité d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, par opposition à d'autres types de communautés politiques comme Sparte, qui était elle aussi une cité-État, mais basée sur un autre système, beaucoup plus guerrier d'ailleurs que celui d'Athènes. Donc effectivement, la participation est fortement recommandée, même obligatoire, dans le contexte de la cité d'Athènes, parce que c'est une petite démocratie finalement. Mais je pense que l'idéal de cet engagement, de cette participation, va bien au-delà de la taille ou de la géographie de cette cité d'Athènes à l'époque classique. Je prends un exemple très concret, très précis. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est idiot, c'est très péjoratif, traiter quelqu'un d'idiot. Eh bien, ça vient du grec idiotes, qui, à l'époque classique de l'Antiquité, signifiait individu. Donc finalement, le mot individu, idiotes, a donné de nos jours idiot. Ce qui veut dire qu'à l'époque, si vous restiez un individu au sens, si vous étiez dans l'individualisme, donc vous refusiez de vous engager, si vous restiez en marge de la cité, eh bien, c'est une forme d'idiotie, de non-engagement, pour vous dire à quel point cet engagement était fort et valorisé. Vivante, cette semaine, la Grèce. Suite de l'entretien avec Karine Doganis, docteur en sciences politiques et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Alors, revenons à nos exemples. Si vous nous racontiez un peu ce que recouvre cette notion de profanation des Hermès. C'est en fait une parodie qui avait été effectuée à cette époque-là par un groupe de jeunes gens qui voulaient s'amuser. C'était des jeunes aristocrates qui s'amusaient à parodier certaines cérémonies. Et ils se regroupaient dans des hétéries, comme on dit, c'est-à-dire des associations. Hétérie signifie association. D'ailleurs, aujourd'hui, ça signifie entreprise. En grec moderne, notamment, hétéria, c'est l'entreprise, donc une association à but lucratif. À l'époque, ce n'était pas à but lucratif, mais c'était néanmoins une association, une entreprise. Donc, c'était des groupements, comme il existe aujourd'hui le Rotary, que dire, d'autres types de clubs, qui regroupaient une certaine élite à l'époque. Et il faut savoir, parce que ça c'est fondamental pour comprendre la démocratie athénienne, la démocratie dont on a hérité, il y a toujours eu une tension entre l'élite, donc les aristocrates, qui étaient des jeunes gens riches, bien élevés, ayant reçu une bonne éducation, et le peuple que un comédien comme Aristophane, un comique comme Aristophane décrit comme un peuple de charbonniers, de travailleurs, de dockers qui travaillent dans les ports, dans les champs, dans les mines. Et il y avait une tension entre ces aristocrates, cette élite et ce peuple. Déjà. Déjà, absolument. Et la ça nous rappelle des situations actuelles. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Poursuivez. Suivez mon regard. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la force d'un grand démocrate comme Périclès, qui a mis en place la démocratie telle qu'on l'entend finalement aujourd'hui, mais il l'a mise en place au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la force de Périclès, c'est que alors même qu'il était lui-même issu de l'élite, c'était un aristocrate, il était en rivalité avec quelqu'un d'autre pour prendre le pouvoir, et sa force, c'est d'avoir créé le parti du peuple, c'est-à-dire d'être devenu démagogue, celui qui est capable de rassembler le peuple autour de lui pour devenir plus fort que son rival aristocrate. Finalement, c'était une guerre d'aristocrates dont l'un a réussi à s'allier le peuple et mettre en place la démocratie. Au final, la démocratie grecque à l'époque classique n'est rien d'autre que le résultat d'une lutte de pouvoir entre clans aristocratiques, clans d'élite, dont l'un a réussi à s'allier le peuple pour justement devenir plus fort et s'imposer. Vous utilisez, Karine Doganis, le terme de parti. Est-ce pour des questions de facilité de compréhension pour nous? Comment ça se traduisait exactement? Ah, il y avait, on va dire, des partis politiques au sens où ils avaient tendance à suivre plutôt tel illustre personnage plutôt que tel autre. Et le premier parti politique au sens où on peut l'entendre aujourd'hui, le parti du peuple, c'est autour de Périclès à l'époque qui a réussi à mettre en place ce parti dit du peuple. Et lui, c'est justement appelé ou qualifié, ou a été qualifié plutôt de démagogue, c'est-à-dire celui qui est capable de conduire à go le peuple, démos, démagogue, il conducteur du peuple. Mais le peuple n'a, en ce temps-là, pas le droit à la parole. Donc, qu'est-ce qu'on entend par partie du peuple? Ce sont les représentants de ceux qui se rapprochent de Périclès, Périclès faisant aimant, et qui représentent ou disent représenter les intérêts de la population? C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça l'art de Périclès, lui-même étant un grand aristocrate, étant issu d'une famille et donc de l'élite, a réussi à se faire le porte-parole des petites gens, finalement, de façon à battre son rival qui, lui, était resté sur son piédestal et resté plus isolé. Alors, s'agit-il de la part de Périclès, ce n'est pas forcément un personnage que vous avez étudié de fond en comble, mais d'une prise de conscience politique ou d'un calcul d'intérêt politique de façon à pouvoir, on le comprendra assez aisément, obtenir les rênes de la cité? C'est absolument ça. C'est un calcul politique à la base que de s'allier le peuple pour gagner finalement en influence et en pouvoir sur son rival. Absolument. Donc c'est une insincérité absolue. Mais oui, mais il ne faut pas idéaliser la démocratie quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit antique ou moderne. ce que j'essaye de montrer à travers cet ouvrage, c'est que la démocratie antique nous apprend, par ses réussites comme par ses dysfonctionnements, par son insincérité, comme vous dites, voire même par son cynisme, tout autant que par sa noblesse et ses idéaux. Et je peux vous donner un autre exemple qui est très révélateur. C'est que les Grecs antiques avaient déjà inventé le découpage électoral, le redécoupage électoral, c'était sous Clisthène. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, on refait les circonscriptions électorales, en tout cas en France, parfois pour casser telle influence, on va diviser une circonscription électorale en deux circonscriptions pour que la personne, l'élu local n'ait plus la même influence, etc. Suisse regarde ceci d'ailleurs avec un tensément d'ironie, vous pouvez bien l'imaginer, parce que les cantons en Suisse, eux, ils ont le mérite d'être fixes. Ah, ils sont fixes, d'accord. Eh bien, en France, on peut redécouper les circonscriptions électorales. Alors, souplesse géographique. Pas à tout va, mais quand même, il y a une marge de manœuvre à cet égard. Eh bien, ça a déjà été inventé, si je puis dire, par les Athéniens, par la démocratie grecque, puisque à l'époque de Clisthène, on avait redécoupé la cité d'Athènes, qui était auparavant très marquée par trois types d'influence, les gens de la plaine, les gens de la mer et les gens de la montagne. C'était ces trois grandes influences qui dominaient, voire même qui constituaient plus ou moins des, non pas des partis, mais des groupes d'influence. Les gens de la mer, les gens de la plaine, les gens de la montagne. Et cette répartition, elle était révélatrice aussi des différences sociales ? Tout à fait, absolument, oui, oui. Donc la mer était plus... était plus quoi par rapport à la montagne ? La mer, c'est plus de commerce, un peuple, voilà, plus de navigateurs, de commerce, donc forcément plus riche que ceux de la montagne qui étaient plus, voilà, bergers, isolés, cultivateurs, agriculteurs. Proche du fromage. De la feta, par exemple. et l'avantage et la perspicacité de Clisthène, c'était d'avoir cassé ce découpage tripartite hérité et d'avoir recréé de nouvelles circonscriptions électorales en prenant un morceau de la plaine, un morceau de la montagne et un morceau de la mer. En faisant donc des circonscriptions électorales nouvelles, où il y avait non pas les trois grandes parties montagne, plaine et mer, mais un petit morceau de chaque, ce qui a fait qu'il y a eu une plus grande mixité sociale, électorale, et l'équilibre électoral en a été totalement bouleversé. Donc c'est pour vous dire que il y a de la réflexion, voire même du calcul politique dès la Grèce antique, et que il n'y a pas à idéaliser, on n'a pas à idéaliser quoi que ce soit, mais on a beaucoup à apprendre de ce type d'exemple. La démocratie est vivante et elle se réinvente à chaque fois. Mais Clisthène, par cette salade électorale, va-t-il parvenir à ses fins ? Est-ce qu'il obtient finalement, dans cette mixité-là, un résultat qui lui agrée ? Absolument, absolument, parce que ça casse les influences héritées, qui étaient très monolithiques, puisqu'on avait d'un côté l'influence des gens de la mer, de l'autre côté l'influence des gens de la plaine, et de l'autre côté l'influence des gens des montagnes. Quand vous cassez cela en redécoupant les circonscriptions électorales, en tout cas les circonscriptions politiques, eh bien, vous changez le jeu d'équilibre et de pouvoir. C'est en quelque sorte aussi ce qui a pu se passer dans l'histoire avec le découpage des frontières dans certains continents. Je pense à l'Afrique subsaharienne, je pense aussi à d'autres continents, l'Amérique latine, etc. Karine Doganis, on va se retrouver demain pour poursuivre cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Non, après tout, je vais vous laisser faire ce travail. Rappelez à la fois le titre. L'avantage, c'est que vous avez le livre sous les yeux, parce que souvent, les auteurs ne se rappellent même plus du titre de leurs ouvrages. Et puis également, profitez-en pour donner le nom de l'éditeur. L'ouvrage s'intitule « Aux origines de la corruption ». Avec un sous-titre « Démocratie et délation en Grèce ancienne ». Il est préfacé par Claude Mossé. Il est paru aux Presses universitaires de France dans la collection « Fondements de la politique ». À demain. À demain. Merci. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.